Chapitre 22e et dernier. Lorsque la grande voix de l'émeute gronde dans Paris, l'agitation qui règne au milieu des rues franchit les plus hautes murailles et pénètre dans les prisons. La surveillance des gardiens se ralentit. Ils sont à la piste des nouvelles qui viennent du dehors. Ils craignent pour leur propre sûreté. Les soldats qui ont besoin pour leur prêter main forte sont souvent obligés d'abandonner leur poste isolé et de rallier leur caserne. Les prisonniers sont agités, violents, prêts à profiter de toute éventualité, à se ruer sur les portes, à escalader les murs, à massacrer ceux qui tenteraient de les retenir sous les verrous. Au dehors, le peuple combat pour la liberté. Au dedans, le prisonnier est prêt à combattre pour sa liberté. Le jeudi 24 février, au plus chaud de l'émeute, Langlade se précipita sur un gardien qui avait eu l'imprudence d'entrer seul dans sa cellule. Il étouffa ses cris à l'aide d'un baillon, le déshabilla, revêtit sa capote et son képi, s'arma de son trousseau de clés et sortit tranquillement par la grande porte. On se battait encore en ce moment sur les quais, et les directeurs, les gardiens, les agents de toute espèce étaient trop émus pour prendre garde à cette audacieuse évasion. Langlade se mêla à l'émeute, combattit tantôt avec le peuple, tantôt avec la troupe. Peu lui importait. Il n'avait pas d'opinion politique. Il entra aux Tuileries, saccagea le trône, but les vins du roi, immaculé de sang et de boue, à moitié ivre, le pistolet à la main, le sabre retenu au côté par une grosse corde rouge. Il se rendit chez Soleil Couchant pour finir sa soirée. Sans se donner le temps de sonner, il enfonça d'un coup de pied la porte de son ancienne maîtresse, pénétra dans le salon, entendit un bruit de voix dans une pièce voisine et poussa une autre porte. Il se trouvait dans la chambre à coucher de Soleil Couchant. Elle allait se mettre au lit et son jeune Anglais, étendu sur un canapé, fumait une cigarette. Soleil Couchant, dès qu'elle aperçut Langlade, poussa un cri. Il y avait du reste de quoi être effrayé. « Golem, qui êtes-vous ? » Langlade, pour toute réponse, le prit sous son bras, lui fit traverser le salon, le jeta sur l'escalier et referma la porte de l'appartement au verrou. Puis il rentra dans la chambre à coucher. « Que me voulez-vous ? » dit Soleil Couchant, qui n'avait pas même songé à fuir tant elle était atterrée. « Tu veux le savoir ? » répondit Langlade. « Vous voulez me tuer ? » s'écria-t-elle. « Non, pas encore, » répondit-il. « Tu allais te coucher, ne te gêne pas pour moi. » Le lendemain matin, vers 7 heures, Langlade, qui n'avait pas dormi, alla ouvrir les rideaux. Un jour, Blafard pénétra dans l'appartement. Soleil Couchant, brisé par les émotions de cette nuit orageuse, sommeillait depuis un instant. Langlade se pencha vers elle et contempla longtemps ses cheveux épars, ses bras nus, sa poitrine découverte. Puis il la réveilla. « Oh, laisse-moi dormir, » dit Soleil Couchant en se frottant les yeux. « Non, » dit-il, « tu dormiras tout à l'heure d'un plus profond sommeil. » Ses paroles achevèrent de l'éveiller. Elle se dressa sur son lit et s'écria. « Que veux-tu faire de moi ?»« Tenir mon serment, parbleu, te tuer. Oh, grâce, grâce » s'écria-t-elle en essayant de l'entourer de ses bras. Langlade la repoussa et dit « Pas de grâce !»« Mais tu es libre maintenant, nous pouvons fuir, vivre ensemble. »« Non, je ne veux plus, tu ne m'aimes pas. »« Aussi, je t'aime. »« Tais-toi, tu mens. »« Je t'aime, te dis-je, je te le jure. »« On ne livre pas celui qu'on aime. » On ne le charge pas devant le tribunal, on ne le trahit pas. Allons, apprête-toi à mourir. Non, non, grâce. Si tu crois en Dieu, fais ta prière. Quand cette pendule que t'a donnée ton Anglais sonnera 7 heures, tu auras cessé d'exister. Elle bondit de son lit, elle se traîna au pied de Langlade, elle embrassa ses mains, elle pleura, elle cria, il fut inflexible et se borna à dire « Rappelle-toi la scène de la prison. » 7 heures sonnèrent. Il ouvrit la fenêtre toute grande et s'élança sur Soleil Couchant. D'une main, il lui prit les deux bras pour l'empêcher de s'accrocher à lui. De l'autre bras, il la souleva, l'emporta vers la fenêtre et la lança dans l'espace. Puis il se pencha, regarda la place où elle était tombée sur le pavé, monta sur la balustrade de la fenêtre et se précipita à son tour. Il respira encore quand il atteignit le sol. Alors, les spectateurs de cette terrible scène le virent se traîner sur ses genoux et sur ses mains ensanglantées jusqu'au cadavre de sa maîtresse. Lorsqu'il rendit le dernier soupir, il l'étreignait encore entre ses bras brisés. Il existe à Gênes un établissement de bienfaisance qui porte un nom charmant, Albergo dei Poveri, auberge des pauvres. Remarquez bien, auberge et non pas hôpital, ce qui signifie que pour y entrer, il n'est pas absolument nécessaire d'être malade ou blessé. Pour avoir droit d'asile dans cette hospitalière maison, il suffit qu'on soit trop vieux, trop jeune ou trop faible pour travailler. On y garde les vieillards jusqu'à leur mort, les jeunes gens jusqu'à leur maturité, les faibles jusqu'au jour où des soins éclairés leur ont fait recouvrer des forces. L'auberge des pauvres compte plus de 2000 pensionnaires, dont une grande partie sont soignés par des femmes. La sœur de charité n'est pas seulement française, elle est de toutes les nations. À côté de toute misère, il y a toujours une femme. Julia Vidal s'est retirée dans l'asile dont nous parlons et elle l'habite encore. Elle s'y fait remarquer par un zèle, un dévouement, une douceur qui ne se sont jamais démentis. Marietta ne l'a pas quittée et l'aide dans sa noble tâche. Un fou est mort il y a 5 ans dans l'établissement du docteur Blanche. C'était le plus riche pensionnaire de la maison. Il avait hérité du marquis de X, ancien pair de France, d'un legs de 100 000 francs de rente. Il était d'ordinaire tranquille et doux, et n'avait qu'une manie, c'était d'écouter sans cesse aux portes. On le voyait se glisser dans tous les corridors, s'accroupir dans un coin près d'une porte et braquer son œil sur le trou de la serrure ou y appliquer son oreille. Il restait des journées entières dans cette position inoffensive et on avait pris l'habitude de le laisser faire. Il y avait cependant des moments de l'année où sa folie prenait un caractère plus dangereux. Il fallait user alors de la camisole de force. Mais cette crise était toujours annoncée à l'avance par un indice bizarre. Le fou se plaignait que ses lèvres le brûlaient. Il demandait à grands cris de l'eau pour les rafraîchir, et passait à chaque instant les doigts transversalement sur sa bouche comme quelqu'un qui veut effacer les traces d'un baiser. Ainsi s'achève le drame de la rue de la Paix par Adolphe Belot.